30 fois plus. En 2020, il y a eu 30 fois plus de consultations médicales à distance. Et notre rôle, au Crédit Agricole, c'est d'accompagner les professionnels de santé dans cette évolution, avec la solution simple et sécurisée de e-paiement par SMS de notre partenaire PayMed. Vous pratiquez la télémédecine, passez au télépaiement. Crédit Agricole, agir chaque jour dans votre intérêt et celui de la société. Formidable. Service distribué par PayMed, détails et conditions sur paymed.pro. Les aventures de Tintin par Hergé, adapté par Catel Guillou. Avec la troupe des comédiens français. Les bijoux de la Castafiore. Cinquième épisode. Alors que tout le monde croyait les bijoux de la Castafiore volés, la cantatrice s'est soudain rappelée les avoir simplement changés de place. Quelques jours plus tard, cependant, son émeraude a réellement disparu. De retour à Moulinsart, les Dupont ont interrogé scrupuleusement tous les occupants du château avant d'apprendre par le professeur Tournesol qu'un groupe de tziganes campait dans le parc. Pour eux, aucun doute, ce sont les Romanichel qui ont fait le coup. Pendant ce temps, le professeur Tournesol a mis au point un dispositif innovant de télévision en couleur. Il a invité tout le monde chez lui pour une petite démonstration. Et maintenant, mes amis, ouvrez bien vos yeux. Retenez votre souffle. Le moment est historique. Voici, chers téléspectateurs, 5 millions à la ligne. Notre programme de ce soir vous offre une suite brillante et variée de reportages sur le 21e congrès du parti moustachiste à Forod, la vie secrète de l'abominable homme des neiges et l'affaire du vol de l'émeraude à Moulinsart. Ça, par exemple. Quelle coïncidence! Ça tourne à pic. Évidemment, l'image n'est peut-être pas tout à fait nette, mais je vais la régler. Un discours d'une rare violence. C'est mieux, n'est-ce pas? Le son, maintenant. C'est bon, non? Non, non, le son. Réglez le son, tout le monde. Oh, désolé, un projecteur qui aura sauté. Le temps de le réparer. Et un quart d'heure plus tard... Voilà. C'était peu de choses. On voit brièvement les faits. On sait que la grande cantatrice italienne Bianca Castafiore séjourne actuellement dans notre pays. C'est moi, ça ? Oh, quelle horreur ! Invitée au château de Moulinsart, la diva y a été victime d'un vol audacieux. Une splendide émeraude a disparu, dans les circonstances les plus mystérieuses. Nos reporters ont eu la chance de pouvoir interviewer les inspecteurs chargés de l'enquête, et voici les déclarations qu'ils nous ont faites. Nous avons dû immédiatement mettre hors de cause les occupants du château. Aucun d'eux n'aurait pu commettre le vol. Par contre, nous soupçonnûmes rapidement les Romanichel installés en proximité du château et qui, dès le lendemain du vol, avaient décampé. Mais ils allaient être vite retrouvés et mis sous surveillance. Et 24 heures plus tard, à la suite d'une perquisition dans une de leurs roulottes... L'image est brouillée ou c'est marqué roulotte, coup de théâtre. Non seulement on retrouve chez eux une paire de ciseaux appartenant à la bande de Madame Castafiore, mais dans une roulotte, on découvre un singe dressé. Or, finalement, le vol de l'émeraude n'a pu être commis que par escalade. Et encore, par un homme d'une agilité prodigieuse. Cet homme, nous l'avons démasqué. C'est le singe. Bien sûr, sur la bande, nous farouchement. Les ciseaux auraient été trouvés près de leur camp par une petite gitane. Quant au singe, il n'aurait jamais quitté sa cave. Voilà où en sont les choses. Certes, il y aura encore à récupérer le bijou, mais cela ne passera plus qu'un jeu d'enfant. Eh bien, messieurs, il nous reste à vous féliciter pour cette brillante enquête et pour le lumineux exposé que vous venez d'en faire. Et maintenant, chers téléspectateurs, abandonnons le passionnant domaine du mystère policier. Ah bon, ça soupit comme ça. Arrêtez, je pleure comme une madeleine. Évidemment, ce n'est pas encore tout à fait au point, mais... J'ai du chimie dans la vision. Moi aussi, je vois tout trop. Oh, merci. Le lendemain matin... Pauvre Tsigane. Je continue à les croire innocents. J'ai encore examiné la façade, même un singe aurait laissé des traces d'escalade. Or, je n'en ai vu aucune. Alors, tiens, Monsieur Wagner qui s'en va au village sur la vieille bicyclette de Nestor. Madame Castafiore lui a donc permis d'abandonner son piano. Profitons-en, Milou, rentrons au château. Pour une fois qu'on n'y entendra pas des gammes. Mais, ah ça je n'ai pas rêvé. Je viens de voir Monsieur Wagner s'en aller à bicyclette. Qui peut bien jouer là? Qu'est-ce qu'il te prend, Milou? Oh, oh. Une échelle qu'on a dissimulée ici. De mieux en mieux. Bon, puisqu'elle est là, profitons-en. Il n'est pas encore de retour, allons-y. Mais, c'est le piano qui joue tout seul? Comment est-ce possible? Ça, par exemple, un magnétophone à transistor sur lequel il a enregistré ses propres gammes. Mais dans quel but ce stratagème? Dans quel but? Eh bien, Monsieur Wagner, nous allons le savoir. D'abord, vite remettre l'échelle en place. Voilà. Toi, Milou, cache-toi quelque part et ne fais pas de bruit. Et maintenant, maestro, je vous attends. Et quelques minutes plus tard... Personne n'a vu. Je puis me risquer. Ah. Voulez-vous un petit coup de main, monsieur Wagner? Non, non, ça ira. Merci. Comment êtes-vous entré ici? De la même façon que vous, cher monsieur Wagner. Mais déposez donc votre échelle. Je fais ça pour me donner un peu d'exercice. Amusant, n'est-ce pas? Très. Et l'enregistreur, c'est pour la même raison? Ah, oui. L'enregistreur. Écoutez, promettez-moi de ne rien dire à madame Castafiore. C'est pour prendre l'air de temps en temps que j'ai imaginé ce système. Vous savez, elle exige que je sois au piano toute la journée, alors... Prendre l'air? L'air du village, je crois, cher monsieur Wagner. Ah, vous savez? Eh bien, je vais tout vous dire. Oui, je... Dites! Vous n'avez pas vu Irma? Irma? Non, madame. Merci. Ma, dites donc, monsieur Wagner. Et vos gammes? Mais, mesdames, ma gamme... Mais il l'est fait, madame. Vous l'entendez bien? C'est vrai, en effet. J'étais distraite, pardon. Mais où donc ai-je la tête aujourd'hui? Merci. Mais dites-moi, pourquoi m'avez-vous tiré d'affaire? Je voulais être seule avec vous. Asseyez-vous au piano maintenant, c'est plus sûr. Et je vous écoute. Bien soit. Je vais tout vous avouer. Je suis joueur. Oui, je joue aux courses. Et c'est pour pouvoir téléphoner mes paris que je vais tous les jours au village. Ah, c'est donc ça. Cependant, vous n'étiez pas au village au moment du vol de l'émeraude, lorsqu'un mystérieux inconnu a fait une chute dans l'escalier. C'était vous, n'est-ce pas? Oui, c'était moi. J'étais allé au grenier. Et c'est en redescendant que j'ai entendu les cris de Madame Castafiore. J'ai couru pour regagner mon piano. Et j'ai raté la marche. Qu'alliez-vous faire au grenier? Eh bien, à différentes reprises, au crépuscule, il m'avait semblé entendre marcher là-haut. Or, la signora avait dit la même chose la nuit de son arrivée au château. Alors, finalement, j'ai voulu en avoir le cœur net. Pourquoi ne pas nous avoir alertés, tout simplement? Je ne voulais pas avoir l'air ridicule au cas où je n'aurais rien trouvé. Et d'ailleurs, je n'ai rien trouvé. Un mot encore, je vous prie. Le lendemain de votre arrivée, j'ai trouvé vos empreintes sous les fenêtres de Madame Castafiore. Ah oui, c'est possible. Après l'incident de la nuit, j'étais allé m'assurer que personne n'aurait pu escalader la façade en cédant du lierre. Bon. Eh bien, voilà toutes les explications que je désirais avoir. Non. Je ne crois pas que ce soit lui qui ait volé l'émeraude. Il avait l'air sincère. Et pourtant, il faut que je démasque le véritable coupable. De toute manière, je serai ce soir au grenier. Il ne faut négliger aucune piste. Et maintenant, allons chercher Milou. Et au crépuscule... Chut, Milou. Écoute. Oh, là, un hibou. Ou une chouette. Et qui niche ici, sans doute. Le voilà donc, le monstre qui marchait dans le grenier, et dont les yeux et les cris avaient tant effrayé Madame Castafiore. Viens, mon vieux Milou. Sortons de cette malle et descendons. Nous n'avons plus rien à faire ici. Encore une fausse piste, hélas. Bonsoir, Moussaillon. Ça, par exemple. Guéri, capitaine? Quelle joie. Oui, le médecin sort à l'instant. Il vient de m'enlever mon plâtre. Ah, vous ne pouvez pas savoir le plaisir qu'on éprouve à se retrouver sur ses deux jambes. Mon cher capitaine Magog, j'ai... Oh! Mais vous voilà sur pied. Toutes mes félicitations. Merci. Et il m'est pénible de venir assombrir votre joie, mais j'ai une triste nouvelle à vous annoncer. Je vous quitte demain. Non, pas possible. Ce n'est pas vrai. Hélas, oui, cher ami. Au matin, à la Scala de Milan, une opéra de Rossini qui doit se donner avant mon départ pour les États-Unis. Oh, je suis navré, désolé. C'est vraiment décidé. Vous êtes gentil d'insister pour me retenir, mais j'ai déjà mes billets d'avion. Ah. Je vais commencer à rassembler mes affaires. Elle s'en va. Elle s'en va. Et elle s'en va. Zim, boum, tralala. Tralala, hikou. Et elle s'en va. Elle s'en va. Vous dansez, capitaine. Tagada, tugudu. Elle s'en va. Ma douleur. Quel grand enfant. Elle s'en va. Tralala. Et le jour du départ est arrivé. Au revoir, chère madame, et bon voyage. Au revoir, cher capitaine Madoc. Merci encore de votre charmante hospitalité. Je suis navrée de devoir vous quitter, mais je reviendrai. Je vous en fais la promesse. J'y compte bien, madame. Quant à mon émeraude, dès que vous aurez des nouvelles... Vous serez immédiatement avertie, oui, oui, partez sans crainte. Chère madame... Veuillez accepter ces modestes roses. Les premières d'une variété que je viens de créer et à laquelle je me suis permis de donner le beau nom de Bianca. Oh, quelle idée adorable! Oh, elles sont merveilleuses! Merveilleuses! Et quel parfum! Santé, capitaine Capstock! Non, non, merci. Cher professeur, il faut que je vous embrasse! Je suis flatté. Et maintenant, Je dois absolument me sauver. C'est ça, c'est ça. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, mes amis. Arrivederci. Soyez bien, Coco. Soyez tranquille. C'est trop aimable. Et revenez vite. Oui, bon, pas trop quand même. Monsieur, monsieur, madame a oublié sa mallette. Ciel, ses bijoux. Tenez, madame. Merci, Prosper. Et pour vous récompenser, je vous enverrai une photo dédicacée. Oh, merci, madame. Cette fois, c'est fini. Bien fini. C'est fini les gammes, fini les vocalises, fini les ciels, mes bijoux. Ciel, mes bijoux ! Quoi ? Allons-y, oh, toi, mon gaillard, si tu tiens à tes plumes, je te conseille de changer de disque. Silence, quand je parle, mille millions et mille savants ! Trois semaines ont passé. Oui, oui. Oui, je sais, oui. Ce n'est pas ma faute. Comment ? Ah non, ce n'est pas la vôtre non plus, évidemment. Oui, mais il y a eu les congés payés, et puis j'ai eu la grippe, et... Ah, quand ? Demain ? Ah non, demain, impossible. Ah, mais tout au début de la semaine prochaine, oui. Sans aucune faute. Au revoir. Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils ont tous actuellement, les gens, à être si pressés ? C'est à cause de ça qu'il y a tant de maladies de cœur. C'est bien vrai, allez, Isidore. Monsieur Boulu, lorsque je vous tiendrai sous la main, je vous dirai ma façon de penser. Vous avez lu le billet du jour dans la Dépêche ? Il est consacré à... À la Castapipe, oui, je l'ai lu. Triomphe sans précédent, interprétation inoubliable, artiste grandissime. Ainsi s'extasie toute la presse italienne à propos du récent gala de la Scala de Milan, où la célèbre Castafiore, pour ses adieux à l'Europe, s'est produite dans l'opéra de Rossini, La Gazza Ladra. La diva a été l'objet de 15 rappels. Puisse l'enthousiasme de ses adulateurs avoir versé un baume sur son cœur meurtri, car on l'a dit inconsolable de la disparition du plus beau de ses bijoux. A-t-elle assez défrayé la chronique, cette affaire du vol de l'émeraude, dont le château de Moulinsart fut naguère le théâtre ? Des bohémiens ont été soupçonnés d'avoir utilisé un singe pour dérober la magnifique pierre, don du Maharaja de Gopal. Cette suspicion continue à peser sur eux. On les surveille, paraît-il, étroitement, mais l'émeraude demeure introuvable. Le rossignol milanais va d'un coup d'aile franchir l'Atlantique. Toujours cette absurde histoire de singe voleur. Même parfaitement dressé, voyez-vous, un animal allant tout droit à l'objet qui... À propos d'animal, ce marbrier, il... Mais, au fait, pourquoi pas ? Pourquoi pas quoi ? Où allez-vous ? Mais où allez-vous donc ? Reviens tout de suite ! Ah, ça, quelle mouche l'a piqué, ce garçon ! Capitaine, n'avez-vous aucun message que je pourrais transmettre à la chère Madame Castafiore ? Un message ? Moi, pour la Castafiore ? Non, un message. J'ai oublié de vous dire que je partais tout à l'heure pour Milan. Je vais présenter mon supercolore Trifonard au Congrès international de télévision. Naturellement, j'irai saluer notre charmante amie. Ah oui ? Eh bien, dites-lui tout ce que vous voulez, mais de grâce, ne l'invitez plus à Moulinsart. C'est très gentil, je le lui dirai. Elle sera certainement très sensible à votre invitation. Non, je... Capitaine ! Eh bien quoi encore, il y a le feu ? Y a-t-il un élagueur dans le pays ? Un élagueur ? Oui, il y a Émile Vanneau au village. Mais pourquoi ? Merci. Ah oui, j'ai oublié. Téléphonez au Dupont qu'il vienne le plus vite possible. C'est au sujet de l'émeraude. Au sujet de l'émeraude ? Mais... N'oubliez pas de leur téléphoner ! Mais enfin, Tintin ! Et une heure plus tard... Nous ne sommes venus que par acquis de confiance. Par abus de conscience, car nous ne voyons vraiment pas ce qu'il pourrait encore nous apprendre à ce sujet. Une fois pour toutes, ce sont ces bohémiens, aidés par leurs singes, qui ont fait le coup. Pour nous, la claire est faire, n'est-ce pas, Dupont ? Je dirais même plus, la flaire est claire. C'est mon opinion et je la partage. La seule, l'unique chose que Tintin pourrait nous révéler, c'est l'endroit où est caché le bijou. Et ça... Eh bien, ça, messieurs, si vous voulez m'accompagner, c'est ce que je vais vous montrer. Vous ? Non. Oui ? avez découvert l'endroit où les Romanichels ont caché l'émeraude. Les Romanichels n'ont rien caché du tout. Regardez là-haut. C'est là que se trouve certainement la clé du mystère. Là-haut ? Où ça, là-haut ? Là-haut, dans ce peuplier. Oh ! Dans ce peuplier ? Tout ce que je vois, c'est un nid. Voilà ce qui se passe quand on regarde en l'air, au lieu de regarder devant ça. Oui, mais ce nid est un nid de pie, capitaine. Quoi ? Vous voulez dire que... C'est une pie qui a volé l'émeraude. Oui, j'en mettrai ma main au feu. Tonnerre de Brest ! C'était donc pour grimper jusqu'à ce nid que vous êtes allé emprunter le matériel du père Vanneau. Exactement. D'ailleurs, voulez-vous bien m'aider à serrer ce baudrier ? Voilà. Merci. Au nom du ciel, Tintin, soyez prudent. Ne vous inquiétez pas, ça ira. Tintin de grâce, faites attention! Soyez tranquille, je... Il y a là-dessous une branche. Vite, écartons-nous! Il n'y a pas de mal! Et vous, avez-vous trouvé quelque chose? Oui, voilà déjà le dé à coudre d'Irma. Mais... L'émeraude! Voici l'émeraude! Des éclats de verre, une bille d'agate, un monocle. C'est tout! Je redescends! Tenez. Magnifique. Oh. Tintin, vous êtes un as. Mais qu'est-ce donc qui vous a fait brusquement songer à une pie ? Quel était le titre de l'opéra dont parlait le journal tout à l'heure ? Je ne sais plus, moi. Un truc comme le pizza ou ragazza. La gazza ladra, c'est-à-dire en français la pie voleuse. Pour moi, ça a été la lumière. Je me suis dit, il y a une gazza ladra dans les parages. Ou, près de l'endroit où les ciseaux tombés du nid de la voleuse ont été ramassés par la petite Mirka. J'ai couru voir à cet endroit, il y avait un nid. Et voilà donc les bohémiens hors de cause. Bon, c'est bien notre chance. Pour une fois que nous tenions des coupables, il faut que ça arrange pour être innocent. C'est vrai, à la fin. On dirait qu'ils le font exprès. En tout cas, nous avons retrouvé l'émeraude. C'est l'essentiel. Il n'y a plus qu'à la remettre à Madame Castafiore. Justement, notre ami Trifon part tout à l'heure pour Milan. Il pourrait peut-être se charger du bijou. Pas question. C'est nous et nous seuls qui le remettrons à sa propriétaire. Noblesse oblige. Bon, comme vous voudrez. Voici l'objet. Merci. Moi, ce qui me réjouit le plus là-dedans, c'est de savoir que ces braves Romanichels vont être lavés de tout soupçon. Vous avez raison. Oh ! Qu'y a-t-il ? Qu'est-ce que vous faites à quatre pattes ? C'est l'émeraude qui est tombée dans l'herbe et comme c'est vert, l'herbe... Mais je dirais même plus. C'est malin. Ah, oh, ça, c'est malin. Mais comme c'est malin. Mais ça peut arriver à tout le monde, non ? Là. Milou l'a retrouvée. Voilà. Et ne la perdez plus maintenant. Pensez-vous. Et quelques instants plus tard... Au revoir, chers amis. Je m'en vais. Rien d'autre à dire à Madame Castafiore ? Si, justement, une excellente nouvelle. Vous pourrez lui annoncer que son émeraude a été retrouvée par Tintin. Oh non, je prends l'avion, c'est beaucoup plus rapide. Je vous dis que l'émeraude de la Castafiore a été retrouvée. L'émeraude ! L'émeraude ! En fraude ? Oh non, jamais. Chez moi, c'est un principe. Je déclare toujours tout à la douane. Au revoir. Il va me rendre fou ! Allons, capitaine, calmez-vous. Nous en serons quittes pour télégraphier la nouvelle à Madame Castafiore. Et comptez sur moi pour lui transmettre votre invitation. Et nous aussi, nous parlons pour mi-temps. Nous martons pour Pilan. Enfin, bref. Au plaisir de vous revoir, capitaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et merci pour votre petit coup de main. De rien. Au revoir, chers amis. C'est bien toi qui as l'émeraude. Mais non, c'est toi. Mais pardon, je te l'ai donné. Et... Mais pas du tout, c'est toi, au contraire, qui l'as trouvé dans ta poche. Bah attends, j'ai voulu la reprendre. Le lendemain... Ah, quelle bonne promenade. Et plus de casse-pieds à l'horizon. C'est le paradis. Ah, vous voilà, capitaine. Venez voir dans le hall. Quoi ? Qu'y a-t-il ? Ne me dites pas qu'elle est revenue. Voyez, Monsieur Boulu est venu remplacer la marche. Oh, C'est merveilleux. Voyez, monsieur, il a mis une latte sur la marche en question. Je vois. Il faut en effet laisser le ciment faire sa prise. Bouly vous l'aura dit, je suppose. Non, il ne l'a pas dit, mais cela va sans dire. Je sais. Mais ça va encore mieux en le disant. Et même en le répétant. Donc, attention, pour l'amour du ciel, ne posez pas le pied sur cette marche. Bien, capitaine. Entendu, monsieur. Prenez l'habitude, pendant quelques jours, de l'enjamber. Comme ça. Vu ? Compris ? Oui, capitaine. Très bien, monsieur. Vous voyez, c'est tout simple. Seulement, il faudra y songer chaque fois que... Tiens, qui sommes là ? Bonjour, c'est encore moi. Je suis parti en oubliant... Ah, monsieur Boulu, comme c'est gentil à vous d'avoir... Ça, c'est malheureux. Moi qui revenais justement vous dire d'attendre un jour ou deux avant de poser le pied sur cette marche. C'est vraiment dommage. Du si beau mort. C'était Les bijoux de la Castafiore, d'Hergé. Une coproduction France Culture, Hergé Moulinsart et la Comédie Française. Adaptation, Catel Guilly. Musique originale, Olivier Davio. Orchestrée par Didier Benetti pour l'Orchestre National de France. Avec Claude Mathieu, Madame Boulu, Thierry Ancis, le capitaine Haddock, Sylvia Berger, la Castafiore, Alain Langlais, Nestor, Denis Podalides, le professeur Tournesol, Alexandre Pavlov, Wagner, Julie Sicard, Irma, Serge Bagdasarian, Dupont, Christian Heck, Dupont, Gilles David, Monsieur Boulu, Didier Sandre, le narrateur, Noam Morgenstern, Tintin, Pauline Clément, la speakerine, et la voix de Aude Rouanet, et Marina Kapp dans le rôle de Milou. Bruitage, Sophie Bissens. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Bruno Mourlan et Émilie Couette. Prise de son musicale, montage et mixage, Jean-Louis Deloncle, Mathieu Leroux et Alice Legros. Assistante à la réalisation, Manon Dubus. Réalisation, Benjamin Habitant.